Leçon P. Trier, c'est pas si compliqué. La déchetterie organise la récupération et le recyclage des déchets. Mais pour cela, il est indispensable de respecter les règles du tri. Pour chaque type de déchet, il y a une couleur de poubelle à respecter. Tous les paquets en plastique dans la poubelle jaune, tous les papiers dans la poubelle bleue et les déchets alimentaires dans la poubelle verte pour le compost. Si les emballages sont trop gros, il faut les apporter à la déchetterie. Vous pouvez aussi déposer les vieux vêtements dans des conteneurs. La déchetterie récupère aussi les appareils ménagers. Les pharmacies récupèrent les médicaments périmés. Trier, c'est important pour protéger la planète.